Tu cherches à m'éviter, mes sentiments n'ont pas changé. Évidemment, délivré, tu sais qu'on va regretter, car je serais parti avant la nuit tombée. Je me suis retrouvé devant l'inconnu, tu sais pourquoi je me suis mis en danger. Sans ça, je n'ai pas prémédité. Évidemment, j'y repense tout le temps, dans mes songes, je me plonge. Évidemment, j'y repense tout le temps, dans mes songes, je me plonge. Signal. Tu te demandes pourquoi j'ai si mal. Subis le poids de ton silence. Je t'attends toujours au final. Alors dis-moi maintenant comment t'es, Yama ma bella. Suis-moi, on y va, yalla. Dis-moi comment t'es, Yama ma bella. Suis-moi, on y va, yalla. Je serai présent pour toi dans les moments les plus sombres. Dès mon futur jusqu'à ce que mon passé me rattrape. J'ai fait la queue devant ton cœur pour aller. Espérant que tu seras près de moi dans le blizzard. Lorsque rien ne va, tu ne quittes pas ma cabesse. Évidemment, j'y repense tout le temps dans mes songes, je me plonge. Évidemment, j'y repense tout le temps dans mes songes, je me plonge.